T'appelles ça du rock, toi? T'as qu'à écouter du Patrick Bruel tant que t'y es. Si tu veux écouter du vrai rock, écoute British Connection, la seule émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Salut à tous, c'est Dominique Grandfils sur British Connection. Je viens vous parler de mon nouveau livre, Gravé dans le rock. C'est un livre de citations, de rockstars, car si vous branchez les musiciens sur les grands sujets de société, ils vont pas tarder à exprimer leurs sentiments, quitte à se faire lyncher aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il sera donc question dans ce livre de sexe, bien sûr, mais aussi de Dieu, de morale, de philosophie, de religion, d'internet et bien sûr de politique, d'écologie, sans oublier un chapitre haut et en couleur consacré aux abominables rock critiques, vus cette fois par les stars du rock en personne. Le résultat, c'est une collection de pensées brutes, crues, formidablement roboratives, la synthèse ultime de la pensée rock certainement. Dans ce livre, vous retrouvez bien sûr dans le chapitre sexe, Yann Dury qui a écrit Sex and Drugs and Rock and Roll, et il n'aurait jamais pensé que ça prendrait cette ampleur quand il a écrit ce titre. Et il regrette une chose, c'est de ne pas avoir déposé le titre de la chanson, sinon il aurait été beaucoup plus riche. Voilà, je vous propose d'écouter Sex and Drugs and Rock and Roll, Yann Dury sur British Connection. It's only rock, British Connection. Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. Very good indeed. Keep your silly ways or throw them out the window. The wisdom of your ways, I've been there and I know. Lots of other ways, what a jolly bad show. If all you ever do is business you don't like. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you pretty. You can cut the clothing, grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon. I know it's going to fit. A little bit of advice, you're quite welcome, it is free. Don't do nothing that is cutthroat, you know what that'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth into a small slice, the cake of liberty. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Gravé dans le rock est publié aux éditions Camion Blanc. vous y retrouverez une citation de Robert Smith à propos de Killing an Arab, une chanson d'un de ses premiers disques avec The Cure. Et il regrette ce titre de chanson parce qu'il explique donc, à 17 ans, il me semblait que tout le monde s'intéresserait à Albert Camus et comprendrait l'angoisse existentielle de Camus. Et ce titre m'avait obsédé en tant qu'auteur, et évidemment les gens ont pensé que c'était un appel au meurtre. En revanche, ce qui est sympa, c'est qu'au cours des années, j'ai pu faire connaître l'existentialisme français à l'étranger. Écoutons donc ce Killing an Arab de The Cure sur British Connection. You're listening to British Connection, the best radio rock show in the galaxy. Dominique Grandfils sur British Connection avec donc mon nouveau livre Gravé dans le rock, livre de citations de rockstar, donc sur divers sujets dont la religion qui n'a pas toujours fait bon ménage avec le rock'n'roll, hein. On se souvient de la censure qu'a subi Elvis Presley lors de ses passages à la télévision dans les années 50. Les problèmes des Beatles quand John Lennon a déclaré que les Beatles étaient plus populaires que Jésus-Christ. Et donc, dans le livre, vous trouvez un chapitre religion avec des rockstars qui sont quand même habités par une foi assez importante. Donc, j'ai appelé les mystiques. Et puis, vous avez également les sceptiques qui, eux, sont relativement athées et combattent l'intégrisme. Ainsi, Chris Cornell de Soundgarden en 96 qui explique que le catholicisme a été inventé pour expliquer des choses inconnaissables alors que les enfants ont justement besoin de réalités tangibles. Voilà, des citations comme ça, vous en avez beaucoup. Il y a plus de 280 rockstars qui sont répertoriés dans le livre, donc c'est une lecture sympa, drôle et parfois profonde, hein, quand ça parle de religion ou de philosophie, c'est assez sérieux. Et j'espère que ce livre vous plaira, donc il est publié aux éditions Camion Blanc, il s'appelle Gravé dans le rock, Et on va se quitter avec un titre de circonstance, Losing My Religion, REM. À bientôt sur British Connection. Au revoir. Hey Philippe, tu m'ordonnes encore de ta British Connection ? Hey, si t'aimes vraiment le rock, pose cette guitare et branche-toi sur British Connection. British Connection, l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Dernière émission de la saison, dernière chance de gagner vos invitations pour le prochain Guitare en scène. C'est au mois de juillet, évidemment, avec Magma, Sting, Wishbone Ash, Popukin Trees. Vous laissez vos coordonnées en message privé via la page Facebook de British Connection. Il y aura un tirage au sort à la fin de cette émission. Vous serez plusieurs à gagner deux invitations. Et puis eux, ils font partie de la scène underground parisienne, Elvira and the Bat. Entre Batcave et post-punk, Elvira and the Bat dans British Connection. Stop.